Bonjour à toutes et à tous et bon début de semaine à l'écoute de Radioactive. Aujourd'hui dans ce mag, on va parler de jolis sujets que sont l'engagement et la participation citoyenne avec une annonce très très attendue, le résultat du vote du budget participatif d'Amboise. Vous avez été nombreux à proposer des idées et à voter pour les projets. Alors lesquels ont été retenus? Quels vœux vont être exaucés? C'est ce que va nous dévoiler Lionel Chisson, adjoint au maire d'Amboise, délégué à la culture, au patrimoine, à la politique du livre et de la lecture. Eh oui, on déroule tout, hein. Oui. À l'éducation populaire et à la démocratie participative. Bonjour Lionel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marlène. Est-ce qu'en tant qu'habitant d'Amboise, vous avez vous-même voté pour un ou plusieurs projets? Alors ouais, moi j'ai voté, j'ai voté pour 5-6 projets, j'ai dépensé toute mon enveloppe. Donc, voilà. Alors avant d'annoncer les résultats, petit rappel, qu'est-ce que le budget participatif? Pourquoi la ville d'Amboise a-t-elle choisi de le mettre en place? Alors le budget participatif, c'est l'idée qu'on va mettre de côté, entre guillemets, une partie du budget de la ville, donc 50 000 euros pour la ville d'Amboise, pour quelque part avec cet argent-là, mettre en place des idées ou soutenir des projets qui sont proposés par des habitants, des citoyens ou des associations et qui fait l'objet d'un vote. Donc on met quelque part à la décision citoyenne une petite partie, bien évidemment, mais c'est quand même 50 000 euros, une somme significative, une partie du budget de la ville. Donc voilà un peu l'idée de départ, ça fait partie, globalement, de la démocratie participative. Mmh. C'est des façons d'associer plus les citoyens en permettant à ce que des projets émergent et puis que des projets soient soutenus financièrement, proposés par des associations, c'était à peu près la moitié, ou proposés par des citoyens. Mmh. Et alors le processus, c'était une étude de faisabilité pour voir si évidemment les projets étaient réalisables. En fait, il y a trois étapes. Il y a une première étape où les gens peuvent déposer un projet. Des propositions. Alors quand on parle de projet, c'est là où parfois il y a un petit peu de difficulté. On est quand même sur quelque chose d'un petit peu travaillé parce que sinon on est juste sur une vague idée et c'est un petit peu difficile de faire voter les gens sur une vague idée. C'est difficile forcément à chiffrer. Donc première étape, dépôt des projets. Deuxième étape, il y a une étape où on regarde un petit peu la faisabilité. Et puis à l'issue de cette étape, parce que ça c'est un processus aussi important, en tout cas moi je trouve que c'est très important, on a fait valider les choses par une commission de suivi avec une participation citoyenne. Dans la commission de suivi, il y avait 3 citoyens qui avaient été tirés au sort, qui venaient aussi s'exprimer avec des agents de la ville et des élus pour se mettre de façon consensuelle, hein, toutes les décisions étaient consensuelles, d'accord sur les choses. Parce qu'une fois qu'on avait fait ce travail justement un petit peu de regarder la faisabilité, c'est notamment l'agent Emma qui était venue ici vous présenter... Oui, Emma Delière qu'on voilà, salue. Qui était venue vous présenter une partie du budget d'ailleurs à l'antenne, qui a fait ce travail avec les services. Il y a quand même un arbitrage à faire parce que, quelque part, se dire les services ne disent pas oui, non. Les services, ils vont dire oui, il y a un certain nombre de difficultés, etc. Ou pas du tout. Et puis derrière, il fallait arbitrer. Donc on avait 35 projets à peu près. Parfois, c'était de simples idées. Donc là, les simples idées, c'est pas assez abouti pour qu'on puisse, avancer. Et puis, c'est une simple idée, comme vous le disiez, c'est difficile à budgéter, évidemment. Tout à fait. Et puis, sinon, on avait des propositions qui n'étaient pas possibles à intégrer dans le budget, soit parce que ce n'était pas faisable, beaucoup trop cher. On a eu, par exemple, le skatepark. Soit c'était déjà prévu. C'est un peu le cas aussi du skatepark. Mais il y en avait d'autres. Soit ça touchait aussi l'île d'Or. Pas mal de propositions touchaient l'île d'Or. Et là, sur l'île d'Or, on est soumis au schéma directeur de l'île d'Or. Donc, on peut quasiment rien faire tant que ce schéma n'est pas validé. Donc, on a pu éventuellement prendre en compte les idées qui étaient proposées, peut-être pour nos réflexions sur le schéma, mais pas au-delà. Puis après, voilà, c'était ça l'essentiel des thématiques. Et donc, on a retenu 13 projets. Et puis après, les citoyens ont pu voter jusqu'au 2 février. Et donc, c'était la phase de vote. Et puis, autre élément important, en tout cas, moi, j'y suis très attaché, c'est qu'on a eu de nouveau une réunion de la commission de suivi, donc après le 2 février, où là, on a regardé un peu les résultats et puis on a discuté avec les citoyens qui étaient présents et les agents de la ville. Et puis, on était aussi des élus pour justement établir la liste des gagnants. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une belle participation cette année? Est-ce que vous avez des chiffres sur combien de personnes ont voté? Ah bah oui, on a exactement tous les chiffres. Alors, moi, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Donc, qu'on aurait pu en avoir plus, mais on a quand même eu 420 votants. 420 votants, c'est quand même vraiment pas mal parce qu'on était aussi dans une logique qui était de dire, à partir du moment où ça concerne le territoire d'Amboise, n'importe qui, entre guillemets, peut déposer un projet. Par contre, le vote, puisqu'il s'agit quand même d'une partie du budget de la ville qui est dédiée à cette opération, le vote, on le réservait aux habitants de plus de 10 ans qui étaient résidents d'Amboise. Donc, c'est sur une base essentiellement déclarative. Néanmoins, on se limitait à Amboise, parfois sur certains budgets participatifs, ils regardent moins cette question-là. Nous, ça nous paraissait important quand même que ce soit d'abord et avant tout les habitants d'Amboise qui votent. Donc 420, c'est déjà pas mal pour un premier budget participatif. On espère faire mieux la prochaine fois. Ce qui est assez intéressant aussi là-dessus, c'est qu'on a presque 50-50 entre le vote en ligne et le vote papier. Ah oui, voilà. Ah ok. D'accord, c'est pour ça que je n'ai pas vu les mêmes chiffres sur le site internet de la plateforme participative. Alors, j'allais vous questionner là-dessus. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est 40 contributions, 1172 votes et 201 participants. Alors, normalement, c'est 216 votes en ligne. Alors, 216 votants en ligne et 204 votants papier. Et après, en fait, on a 1173 voix parce qu'en fait, ce qu'on demandait à chacun, c'était déjà de voter au moins pour deux projets. Oui. Donc forcément, ça double. Mmh. Et puis, on pouvait voter pour 3, 4, 5, 6 projets jusqu'à épuisement de l'enveloppe des 50 000 euros. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont voté pour 5, 6 projets. Et en moyenne, on est autour, j'avais calculé, un 2,7 projets proposés par citoyen qui a voté. D'accord. Donc, il y en a quand même pas mal qui se sont contentés de deux. Mmh. Et puis d'autres qui en ont fait beaucoup plus. Moi, j'en ai fait 5, 6. Hein. Jusqu'au bout de l'enveloppe. Et pour ma part, j'ai fait comme vous. Je vous propose qu'on fasse la petite pause habituelle en musique qui ponctue cette émission. Alors, la petite pause en musique, on va aller du côté de la Bretagne. Ouais. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Bah oui, c'était. Bah d'ailleurs, j'étais en week-end en Bretagne et c'est une région que j'aime beaucoup. Et il se trouve que j'étais dans la région d'Erquy, Pléneuf-Val-André. Et c'est une région dont est originaire quelqu'un qui chante sur le territoire, Tugdal, qu'on connaît bien, et qui a fait une chanson notamment sur les marins, puisque c'est un ancien marin, et que j'ai eu l'occasion d'aller sur le port où il a commencé à être marin, donc qui est le port de Pléneuf-Val-André, le port de Dawet. Donc c'est Amer en mer ou Amer ? Amer en mer. Donc avec une pensée pour Tugui, qui nous écoute, on le sait, qui est un fidèle. Nous partions avec en mire l'horizon. Des tenues volontaires de cette prison. Nos cœurs abaissant la ligne de flottaison. Alourdis, laissant derrière nos maisons. Combien de marins ont vu ces remparts? De chagrin qui sépare. Combien de marins ont vu ces remparts? Combien de chagrin qui sépare? Mer calme de forme de marin d'expérience. Mer à boire pour alcoolique d'obédience. La pente que de vague à l'âme et l'impatience. D'une taverne d'un corps chaud en pétillance. Combien de marins ont vu ces remparts? part. Combien de marins ont vu ces remparts? Combien de chagrins qui séparent? L'âme comme la mer a ses remords. Mon âme comme t'amour a ses remous. T'amour à mon âme donne des remords. L'amour en mer donne des remous. Combien de marins ont vu ses remparts? Amère en mer et la douce voix bretonne de notre ami Tuc Duhal. Soyez comme l'eau, un groupe qu'on vous invite vivement à découvrir et qui sera bientôt en concert dans plusieurs lieux de notre jolie région. Vous avez juste à aller cliquer sur Facebook, Soyez comme l'eau, et vous trouverez toutes les dates. De retour donc dans cette émission Le Mag avec Lionel Fisson, adjoint au maire d'Amboise, délégué à la culture, au patrimoine, à la politique du livre, à l'éducation populaire et, ce qui nous intéresse particulièrement en ce jour, à la démocratie participative. Lionel est venu aujourd'hui pour nous faire une annonce de taille, pour nous dévoiler les projets qui ont été retenus pour ce budget participatif 2024 de la ville d'Amboise. Alors, il y avait 13 projets en lice. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Quels ont été les projets qui, après vote des citoyens, ont été retenus, Lionel ? Ah bah alors, on en a donc plusieurs. Donc, on va commencer par celui qui a reçu le plus de voix. C'est la mise en place de nichoirs pour les Martinets, notamment dans les écoles de la ville, mais ça ira peut-être aussi dans d'autres bâtiments publics, excusez-moi. Donc là, il y avait 192 voix pour les nichoirs. C'est un projet qui a vraiment été extrêmement plébiscité, et qui est arrivé assez fortement en tête. C'est un beau projet pour aider au maintien des populations de Martinets. Donc ça, c'était le premier projet qui est arrivé en tête. Ensuite, on a un gros projet qui est arrivé deuxième, qui a assez bien fonctionné aussi, c'est la mise en place de fontaines dans la ville. Ça sera un projet qui va être un petit peu plus loin à mettre en place, qui sera peut-être par tranche aussi. On parle de fontaines d'eau potable. Voilà, c'est des fontaines d'eau potable. Ah non, on va pas faire la fontaine Max Ernst trois fois dans la ville. Non, voilà, c'est pas des fontaines décoratives. C'est des fontaines où vous pouvez justement prendre de l'eau sans être obligé de vous trimballer avec votre bouteille en plastique. C'est un peu l'idée. Et c'est la possibilité, bah, justement, avec trois localisations qui sont envisagées, une place du marché, et donc Loire à vélo, une plus vers le Malétraine, pas très loin non plus du campus scolaire, et puis la troisième, quartier c'est... du bout des ponts. Ouais, c'est à côté de la gare, tout à fait. Justement pour qu'on puisse accéder à de l'eau potable. Donc bien évidemment, ça c'était un gros projet en termes de coûts, parce que ça nécessite d'acheter les fontaines, c'est déjà un coût. Et puis après, derrière, il y a quand même un petit peu de travaux, puisqu'il faut les raccorder, etc. Donc ça c'est un gros projet donc, qui a eu pas mal de votes, hein, un petit peu moins que les nichoirs, mais qui est arrivé deuxième. Mais ça, c'est un projet qui finalement va coûter encore un petit peu plus d'argent, puisque la consommation d'eau potable, elle va être prise en charge par oui. la ville. Alors après, oui, il y a une dimension. Alors sur certains projets, forcément, on peut avoir une dimension un petit peu d'entretien ou une dimension un petit peu de fluide derrière. Mmh. Et c'est vrai que sur les fontaines, il peut y en avoir il y aura un petit peu. Donc oui, il y aura un peu de consommation d'eau derrière qui sera induite, forcément. Après, on n'est pas sur un équipement qui demande d'avoir du personnel, etc. Donc on reste sur quelque chose de raisonnable. Mmh. Mais oui, il y a un petit delta. Alors c'est quelque chose, par exemple, si vous allez à Tours, il y a pas mal de fontaines de cette nature sur Tours qui sont disséminées un peu dans la ville. Mmh. Ça répond aussi à un besoin avec l'été. On l'a pas trop vu pour l'instant, mais des périodes de chaleur où ça peut être quand même très utile de pouvoir avoir ces fontaines. Bien sûr. Et pour le coup, il y a une dimension un peu écologique aussi par rapport aux fontaines, c'est un peu l'idée. Alors c'est comme ça aussi que c'était ressenti par les gens, parce que quand on a fait quelques présentations, par exemple au marché, on voyait ce qui faisait que les gens disaient « Ah oui, c'est une bonne idée les fontaines, ça évite de prendre des bouteilles, etc. » Autre projet qui a bien retenu l'attention de nos citoyens, c'est un peu dans une logique aussi plutôt environnementale, hein, c'est la barrière à déchets au marché. Donc là, il va falloir qu'on regarde aussi, puisque là, c'est une réalisation qu'il va falloir qu'on fasse aussi pour trouver quelque chose qui s'adapte quand même bien au paysage. Donc, parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, le visuel, c'était quelque chose qui se passait dans le désert. Donc on avait un grillage orange. Donc on va essayer d'éviter ça, mais il y a d'autres possibilités pour justement retenir les déchets, notamment générés par le marché, qui aujourd'hui vont directement dans la haie, puis dans la Loire. Donc là, tout le long du marché d'Amboise, il y aura une barrière avec une sorte de filet qui empêchera les déchets de passer de l'autre côté et de se retrouver bon an mal an dans la Loire. Mmh. Alors, il faudrait en mettre beaucoup plus, mais là, le projet, c'était vraiment tout le long du marché, puisque c'est une zone beaucoup plus propice à ce type de déchets. Très bien. Donc ça, c'était les trois premiers projets. Ensuite, tous les projets n'étaient pas au même... avec le même coût, hein. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de projets, tu verras au bout du bout, hein, qui ont été retenus. Après, un projet qui a aussi assez bien marché, donc 109 voix, c'est des ateliers pour les maisons de retraite. Donc là, c'est une proposition qui avait été portée par une association, donc on soutient, comme je l'avais précisé, à hauteur de 85% quand c'est des projets portés par des associations et qui concernent leur objet, hein, pour aider à financer, hein, d'une certaine façon, ces ateliers pour l'animation des maisons de retraite, donc par l'association... Il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard qui met en place ces ateliers dans les maisons de retraite. Autre association aussi dont le projet a été retenu, c'est une proposition autour des jardins de la Sage. Donc il y a des petits jardins juste derrière la Sage et ils avaient besoin d'un peu de matériel pour faire le jardinage. Et donc ils avaient déposé une idée de projet pour pouvoir jardiner derrière. Donc là aussi, c'est un projet qui est arrivé avec 106 voix, donc qui est aussi retenu dans le cadre de notre budget participatif. C'est lié à la Sage, mais je pense que c'était porté par des citoyens. Donc on n'était pas forcément sur... c'était pas un portage à Sage, c'était porté par des citoyens qui justement participent au jardin. Après, Livre Passerelle, qui elle fait des ateliers, alors là plus pour les familles ou les enfants, autour de la lecture, comme son nom l'indique, notamment dans le quartier de Malétraine, mais qui sont ouverts à tous, et qui ont aussi été retenus, donc 91 voix. Donc ça, c'était, si je compte bien, le sixième projet. Et puis après, ensuite, on s'est retrouvé avec deux projets autour de 80 voix. Il y en a un qui avait 81 et l'autre 80. Et c'est là où la commission, tout l'intérêt d'avoir une commission de suivi, où on a discuté entre nous pour voir qu'est-ce qu'on faisait. Le premier projet, c'était celui autour de la place Plaisance, qui avait eu 81 voix, mais le problème, c'est qu'on n'avait plus assez de sous dans l'enveloppe, parce que c'est un projet qui était évalué à 15 000 euros. Mm-hmm. Donc, on ne pouvait pas vraiment le passer. Et puis derrière, il y avait un projet autour des femmes de Touraine, qui était à 80 voix, quasiment un score identique, qui, lui, pouvait être financé. Donc, le choix qu'on a fait au niveau de la commission, après, il y avait d'autres projets, mais qui étaient plus loin hein, dans les votes. Donc, le choix de la commission, c'était de dire, on prend le projet femmes de Touraine, mm-hmm. donc, septième projet financé. Donc là, c'est un projet autour de conférences. Il y en aura une, la première, et le 1er mars à 16h au Musée d'Art et d'Histoire d'Amboise. Donc c'est porté par la Belle Poule, ce projet. Mais il y en aura d'autres. Il y a tout un programme autour des femmes de Touraine. Donc ça sera financé. Et puis, pour le coup, on s'est dit, le projet de la Place Plaisance. Alors, l'intégralité du projet, on ne pourra pas le faire parce qu'il aurait fallu 15 000 euros. On ne les a pas. Il reste à peu près 5 000 euros. Mais on va quand même dédier le reste du budget proposé pour la mise en place au moins d'une partie, puisque c'est quelque chose qui pouvait se faire. Il y avait plusieurs idées à l'intérieur du même projet, puisqu'il y avait l'idée de mettre une clôture autour de la petite place de l'allée de plaisance, où il y a un jeu qui a été mis au milieu, pour un peu plus la sécuriser. Il y avait aussi l'idée de remettre un petit peu de mobilier urbain, bancs, etc. Donc on a dit, le reliquat du budget participatif, même si on ne peut pas faire tout le projet avec, on le dédie quand même à au moins une partie de ce projet-là, voir ce qu'on peut faire, est-ce qu'on pourra faire la clôture, est-ce qu'on pourra faire une partie du mobilier urbain, à voir. Donc on a décidé de faire un petit peu un 7,5 par rapport à l'ensemble de nos projets. Donc 7 projets, alors totalement ou partiellement, quand c'est des associations, financé. Et puis un dernier projet où on met le reliquat du budget participatif pour en financer au moins une partie. D'accord. Ah, c'est intéressant de le savoir parce qu'effectivement, quand on se balade sur la plateforme, on n'a pas cette information-là. Non, parce que c'est un peu compliqué à matérialiser sur la plateforme. C'est un peu on-off la plateforme, c'est pris, pas pris. Mmh. Et là, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir une commission de suivi. Et puis, je trouve que l'intérêt de le faire avec des citoyens, ça permet d'avoir quelque chose d'assez ouvert, d'assez public, puisqu'il y a des citoyens qui ont été tirés au sort. Donc, qu'on ne connaissait pas, il se trouve qu'on en connaissait aussi, mais certains, on ne les connaissait pas du tout avant de venir. Mais qui, pour le coup, ont participé aux discussions et c'est d'un commun accord qu'on a dégagé un consensus en disant que la meilleure façon de gérer les choses, c'était ça. En plus, il n'y avait qu'une voix d'écart, donc ça paraissait assez logique. Donc là, on était à 80 voix. Donc après, les autres projets, malheureusement, n'ont pas été retenus. Et alors justement, est-ce que les projets qui n'ont pas reçu assez de votes pourront être redéposés pour un prochain? Alors ça, c'est tout un travail qu'on a à faire avec ces projets-là, le cas échéant, mais aussi avec d'autres projets qu'on n'a pas pu mettre dans le premier budget participatif, parce qu'il y avait des projets qui n'étaient pas assez travaillés, où il manquait des éléments, qui devaient être plus creusés. Mmh. Et donc là, on va revenir vers les porteurs de projets, ça c'est sûr. Par contre, on va voir avec eux si éventuellement ils veulent retravailler leur projet pour qu'ils puissent être déposables, parce qu'ils avaient déjà fait l'effort une première fois. Et puis, il peut y avoir aussi des gens qui avaient proposé un projet cette fois-ci, qui auraient envie, alors peut-être de le retravailler, peut-être de le modifier un peu, pourquoi pas, pour le reproposer de nouveau. Donc oui, il y a tout à fait la possibilité de le faire. Ça nécessite probablement de le retravailler un petit peu s'il n'a pas été retenu la première fois. Évidemment. Mais adapter. Pourquoi pas, puisque là, en plus, c'est des projets qui étaient votables, entre guillemets. Oui. Après, par contre, pour ceux qui ne l'étaient pas, là, il y a forcément un travail de mise en valeur, de réflexion, creuser, pour avoir quelque chose qui soit un projet et pas juste une idée. Parfois, les gens, c'était juste, faudrait faire ça. Bon, c'est pas suffisant pour qu'on mette au vote la proposition. Oui. Alors, la prochaine étape maintenant, c'est quoi? À partir de quand les projets vont-ils voir le jour? Alors, la prochaine étape, alors là, c'est un scoop intégral, puisque même les porteurs de projets n'ont pas l'info. C'est le 9 avril à 18h30 à la Maison des Associations. On organise une petite cérémonie pour remettre les prix et pour lancer le budget participatif 2025. Puisqu'on va relancer rapidement un nouveau budget participatif. L'objectif étant de pouvoir être un petit peu plus rapide sur l'année, parce que là, on est sur le 2024 qui finit en 2025. Et on sera sur le même budget, 50 000 euros. Oui, c'était 50 000 euros chaque année qui était prévu. Sachant que l'année dernière, bah, on a eu tout un travail de mise en place avec la plateforme. Donc là, aujourd'hui, on part quand même sur des acquis, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et on va lancer beaucoup plus tôt dans l'année le budget participatif pour essayer de le faire quasiment sur 2025, peut-être avec des résultats tout début 2026. Donc ça, c'est le 9 avril, 18h30, la prochaine étape. Et puis après, bah, il y a la mise en œuvre. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a deux types de projets. Il y a des projets où c'est des associations qui les portent. Qui les portent et voilà, il n'y a pas d'aménagement particulier donc à mettre en œuvre. Donc là, ça va aller relativement vite. Le 9 avril, on va faire la remise des prix de ceux qui ont été retenus. Et puis bah, derrière, on va pouvoir leur attribuer les sommes qui doivent leur être attribuées pour qu'ils puissent... Faire les achats ou financer ce qu'ils ont à financer. Après, il y a d'autres projets. Alors, par exemple, on parlait des fontaines tout à l'heure, où là, on rentre dans un schéma où il faut qu'on embarque les services pour que ça puisse être intégré à leur charge de travail. On est sur des projets où là, pour le coup... Il est possible qu'on soit sur 2025, même peut-être début 2026, hein, parce que ça peut être plus ou moins long. Ça dépend un peu de la charge de travail, des autres projets. Donc là, il y a un gros travail qui est celui d'Emma, dont on parlait tout à l'heure, qui va être aussi, et puis un peu le nôtre, hein, avec moi, et puis Isabelle Gaudron, hein, qui est aussi très présente sur ces questions-là, de suivi des projets. Pour qu'on ne les oublie pas, hein, parce qu'il faut qu'ils puissent sortir. Mais c'est vrai que ça peut mettre quand même pas mal de temps, hein, pour certains d'entre eux, parce qu'il peut y avoir, par exemple, si on parle des fontaines, il peut y avoir aussi des demandes d'autorisation à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi à mettre en avant. On le sait, hein, quand on est un peu habitué à l'exercice municipal, souvent les projets, entre de l'idée à la mise en œuvre, il peut y avoir quand même pas mal de temps. Surtout quand il y a beaucoup de services à mettre en action et puis un certain nombre d'autorisations à demander, des fois c'est un petit peu long. Il faut savoir aussi être opiniâtre et un peu patient. Alors sans nous dévoiler quels ont été vos votes, mais est-ce que parmi ce qui a été retenu, vous retrouvez vos affinités avec les projets ? Pour être très honnête, en partie et en partie pas. D'accord. Il y a des projets pour lesquels j'ai voté qui n'ont pas été retenus, et puis il y a des projets pour lesquels j'avais pas voté qui ont été retenus. Non, c'était pas forcément. Mais d'ailleurs, c'est une question intéressante parce que c'est assez drôle puisque pour le coup, par rapport aux trois citoyens qui faisaient partie de la commission, on a échangé avec eux parce que c'était intéressant aussi de savoir. Et en fait, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas voté. Et en fait, ils ne savaient pas trop s'ils pouvaient voter ou pas voter parce que comme ils faisaient partie de la commission, ils se sont posé la question. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra préciser la prochaine fois avec l'expérience, en disant vous avez le droit de voter. Bah oui. Après, ça ne vous empêche pas... Soutenir son propre projet, il n'y a aucun... Ouais, vous avez le droit de voter pour les projets. Après, dans la commission, on est objectif. Hein, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a un projet que j'ai voté, ou pour lequel j'ai voté qui arrive en dernier... pas forcément le cas, mais c'est pas le sujet, mais qu'on va le faire passer devant, etc. Et c'était pas du tout l'objet. Mais après, on est tous citoyens d'Amboise, et donc à ce titre-là, habitants d'Amboise, à ce titre-là, on n'avait aucune raison de ne pas voter nous-mêmes. Bien sûr. Après, on est typiquement dans un fonctionnement démocratique. Et en plus, moi, j'ai même le pire, c'est que j'ai voté papier, en plus. Alors, est-ce que vous auriez un mot pour encourager encore plus d'Amboisiens à participer aux futures éditions, soit en déposant des projets aux particuliers ou aux associations, ou simplement pour qu'ils votent ? Je pense qu'on a vu avec ce premier exercice que on pouvait vraiment déposer un projet et qu'il puisse être retenu et voté derrière et mis en œuvre. On avait 13 projets, on est à 7,5, on peut dire 8. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des projets qui ont été retenus au bout du bout. Donc finalement, c'est quand même une possibilité de mettre en œuvre quelque chose qui nous tient à cœur, assez forte pour les porteurs de projets. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis par rapport au vote, je pense que c'est important quand même qu'il y ait plus d'Amboisiens, j'espère la prochaine fois encore, qui votent, parce que mine de rien, c'est quand même 50 000 euros du budget de la ville qui est consacré à cette opération. Alors bien évidemment, on est sur un budget de plusieurs millions d'euros. Néanmoins, 50 000 euros, quelque part, je peux dire que tous mes collègues adjoints sont prêts à prendre 50 000 euros pour porter des projets sur chacun de leurs thématiques. Mmh. Donc, ce n'est pas non plus une somme négligeable, loin de là. Il y a quand même 50 000 euros dédiés à ça. C'est bien que chacun donne son avis. Et puis, on essaye régulièrement sur des choses plus ou moins importantes, des noms de lieux, mais c'est une façon aussi quand même de demander toujours leur avis aux citoyens, en travaillant avec les assos, sur le budget, de demander l'avis à chacun de nos habitants. C'est bien aussi de s'exprimer, quoi. Je veux dire, on fait l'effort de leur demander leur avis sur un certain nombre de sujets. Pour moi, c'est essentiel, c'est pas un effort, c'est quelque chose d'important, et c'est aussi une façon de renouer avec nos concitoyens, de leur dire que voilà, si on est là, c'est aussi pour eux, c'est aussi, on veut les écouter, et c'est une façon de le matérialiser. Prenez ça en main, profitez-en et exprimez-vous, quoi. L'essence même du service public. Tout à fait. Merci Lionel. Merci Marlène. Merci pour toutes ces explications. On se retrouvera bientôt puisque j'imagine que lorsque sera lancée cette nouvelle édition du budget participatif, on sera amené à se revoir ou peut-être avec Emma pour en reparler sur l'antenne de Radioactive. Et avec plaisir. Merci. Merci à toutes et à tous. Et puis je remercie aussi Emma, tous les services de la ville qui ont travaillé sur ce projet et pour ceux qui vont y travailler parce qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, une mise en œuvre pour un certain nombre de projets à venir. Merci. Et puis merci à Vincent qui est toujours dans l'ombre mais toujours présent sur la technique. C'est la fin de ce mag, on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition. Au revoir.